Appelée retard mental jusqu'à il y a peu, la déficience intellectuelle concerne environ 2% de la population occidentale, avec une prévalence qui reste stable dans le temps. Mais sous ce terme de déficience intellectuelle se cachent en fait de nombreuses pathologies, aussi bien génétiques qu'environnementales ou idiopathiques, qui sont le plus souvent difficiles à diagnostiquer en ce qu'elles se déclarent très progressivement chez les enfants en bas âge et peuvent aller de troubles très sévères et profonds à une déficience plus légère qui ne se repérera la plupart du temps qu'à l'adolescence. Déficience intellectuelle, le difficile diagnostic, c'est le programme développemental qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour définir donc ce que sont ces déficiences intellectuelles et comment les prendre en charge et le cas échéant, quand cela est possible, les traiter, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Barbara Bardoni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INSERM à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire de Valbonne et présidente du conseil scientifique de la Fondation Jérôme Lejeune. Et Vincent Desportes, bonjour. Et bonjour. Vous êtes chef du service neuropédiatrie au CHU de Lyon, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de Lyon et coordinateur de la filière santé maladie rare du neurodéveloppement déficience. Mais on commence, et bien comme chaque lundi, avec le tour de l'actualité scientifique de ces derniers jours. Et c'est toute cette semaine avec Antoine Beauchamp pour le journal Essence. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, des variants du SARS-CoV-2 pourraient affecter certains animaux domestiques, mais aussi les souris, Antoine. Oui, et si ces résultats publiés par des vétérinaires britanniques sur le site de prépublication BioArchive venaient à être confirmés, il s'agirait de la première infection naturelle recensée chez un animal par le variant britannique du SARS-CoV-2. Dans les faits, il faut encore rester prudent sur cette annonce. On l'a dit, ces travaux n'ont pour l'heure fait l'objet que d'une prépublication et le nombre d'animaux, deux chats et deux chiens concernés par ces contaminations au Royaume-Uni est encore très peu significatif. Pour autant, les auteurs de ces travaux estiment urgent de conduire des études plus vastes permettant d'évaluer la contagiosité de ce variant britannique entre animaux de compagnie. Il faudra également déterminer si une transmission de l'animal de compagnie à l'humain est possible. Il se trouve que cette prépublication tombe en même temps qu'une autre, publiée elle aussi sur le site BioArchive. Selon des travaux menés par l'équipe d'Étienne Simon-Laurière à l'Institut Pasteur, les souris de laboratoire pourraient être infectées par les variants sud-africains et brésiliens, alors même que ces rongeurs n'était pas sensible au SARS-CoV-2 initial. Selon les chercheurs responsables de ces travaux, ces résultats soulèvent des questions majeures sur le risque que des souris ou d'autres rongeurs vivant à proximité de l'homme puissent servir de réservoir pour le SARS-CoV-2 dans des régions où circulent les variants sud-africains et brésiliens ou d'autres variants. Fin de citation. La question d'infranchissement de la barrière d'espèce de la souris vers l'humain est aussi évidemment posée. Nous suivrons cela de très près. Et oui, tout au long de la semaine dans le journal des sciences et dans les prochaines éditions de la méthode scientifique consacrée au Covid, on vous en reparlera. Pour le moment, vous pouvez retrouver ces études comme chaque jour sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Un patient infecté il y a 5 ans par le virus Ebola pourrait être à l'origine de la nouvelle flambée épidémique qui frappe la Guinée. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus 3 rapports publiés le 12 mars sur le site virological.org, résultat que rapporte Marc Gozlan sur le site du monde.fr. Jusqu'à présent, la durée de persistance maximale du virus Ebola chez un survivant était de 531 jours. Le fait qu'une nouvelle flambée épidémique soit causée par un individu porteur d'une infection latente 5 ans après la dernière épidémie est totalement inattendu. C'est même tellement inattendu que cela provoque une remise en cause de ce que l'on sait de la transmission du virus Ebola, imputé habituellement à un franchissement de barrières d'espèces d'un animal sauvage à l'humain. On rappelle que cette épidémie actuelle du virus Ebola en Guinée a été déclarée le 14 février dernier. Elle a causé pour l'instant la mort de 9 personnes. En bref, toujours après l'astéroïde, après la comète, voire le vaisseau spatial, une nouvelle théorie vient de voir le jour pour expliquer l'origine d'Oumuamua. Oui, et comme souvent dans le cas d'Oumuamua, il faut prendre cette annonce avec des pincettes. Selon une étude menée par des chercheurs de l'université d'Arizona, Oumuamua serait un fragment arraché à une exoplanète il y a environ un demi-milliard d'années à la suite d'un impact avec un autre corps. Ce scénario expliquerait qu'Oumuamua ait pu voyager jusqu'à nous en temps relativement court, malgré une vitesse sensiblement plus lente qu'un objet classique. À cette hypothèse s'en ajoute une autre, Oumuamua serait composé de glace et plus spécifiquement de la glace d'azote comme Pluton. Un épisode de plus dans la saga Oumuamua, sans doute pas le dernier. Et enfin l'explosion du port de Beyrouth en août dernier a perturbé l'ionosphère de la Terre. C'est ce qu'ont montré des scientifiques japonais dans une étude parue dans Scientific Reports. D'après leurs calculs, l'explosion du 4 août dernier a été très semblable à une éruption volcanique. Sa force a même été telle que des perturbations électromagnétiques ont été identifiées dans l'ionosphère, c'est-à-dire la haute atmosphère terrestre. Il a fallu seulement 10 minutes à cette onde pour traverser l'ionosphère qui se situe à 50 km du sol, le tout à une vitesse proche de celle du son. Merci beaucoup Antoine, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Qu'est-ce exactement que la déficience intellectuelle, autrefois appelée handicap ou retard mental? C'est bien difficile à définir en quelques mots, tant le nombre de causes de ce que l'on peut qualifier généralement de troubles du neurodéveloppement est important. Souvent, il s'agit de causes génétiques ou chromosomiques, mais il peut également s'agir de causes infectieuses, voire environnementales, au premier rang desquelles l'alcoolisation fœtale, un syndrome identifié relativement récemment, et on découvre les ravages sur le développement du fœtus, comment témoigne notre archive du jour. Nous sommes en février 2005 dans le journal de France Inter. Depuis peu, grâce au courage de quelques médecins, on parle du syndrome d'alcoolisation fœtale qui frapperait chaque année 7000 nouveau-nés. Ça représente 1%, Hélène, 1% des naissances. Absolument, et ce syndrome d'alcoolisation fœtale a même un acronyme, le SAF. Cependant, il est très peu connu du grand public, alors qu'il a été décrit pour la première fois par un médecin nantais en 1968. Et pourtant, près de 40 ans plus tard, à la question « Une femme enceinte peut-elle boire de l'alcool ?», la réponse depuis des décennies est « Oui, mais en quantité raisonnable ou une fois de temps en temps ». Alors en réalité, est-ce que la future maman boit ? Eh bien, son fœtus le boit aussi. Oui, parce que l'alcool traverse le placenta. Et l'alcoolémie de la mère et de l'enfant est la même une demi-heure après l'absorption. Donc si l'alcool est toxique pour l'adulte, il l'est d'autant plus pour le fœtus, dont les tissus sont en formation et les répercussions sur son cerveau peuvent être catastrophiques. Le docteur Lamblin, pédiatre, à La Réunion. Ces répercussions peuvent se voir parfois dès la naissance, mais très souvent ne se verront que tardivement, quand l'enfant commence à aller à l'école avec des difficultés d'apprentissage, parfois même à l'adolescence, par des troubles du comportement. Certaines zones du cerveau sont plus sensibles à l'alcool. Ce sont des adolescents qui seront plus vulnérables parce que plus en difficulté face à différentes tâches. Ce seront des adultes qui seront en difficulté pour comprendre la portée de leurs actes et donc peuvent avoir à être plus facilement influençables et faire des actes de petite délinquance et se retrouver sans s'en rendre compte dans des situations très difficiles dans la société. Le syndrome d'alcoolisation fœtale est la première cause de déficience intellectuelle évitable et la première cause d'inadaptation sociale. Et ces dommages seront présents toute la vie. Voilà ce reportage de France Inter consacré au syndrome d'alcoolisation fœtale. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Barbara Bardoni? Oui, maintenant on sait que les causes environnementales, comme ça peut être ce qui a été décrit, peuvent toucher, disons, les mêmes voies de signalisation, donc qui sont touchées par des altérations génétiques. Voilà, donc il y a des convergences entre les causes environnementales et les causes génétiques. Donc maintenant, on le sait, et ça a été sûrement un des premiers exemples. En plus récent, ça peut être donné par la dépakine. Autre cause environnementale, un traitement qui est assumé par les femmes enceintes et qui ont comme conséquence d'influencer les capacités cognitives ou le comportement du fœtus après la naissance. La dépakine qui était un traitement, on le rappelle, contre l'épilepsie. Vincent Desportes, une réaction à ce reportage sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, dont on rappelle, on a entendu que c'est la première cause de déficience intellectuelle, la première cause non génétique, il faut bien le préciser. Oui, alors c'est une cause avant tout d'un trouble du neurodéveloppement, en effet, dont certains enfants ont un trouble du développement intellectuel, mais c'est vrai que c'est avant surtout un trouble d'adaptation sociale, ce qui a été dit, lié à des troubles de régulation émotionnelle, lié à des troubles surtout de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire les capacités à planifier un comportement et à analyser un comportement quand on a eu un acte, s'il n'était pas ajusté à la cible, et bien de pouvoir le prendre en compte. Et tout ça, c'est vraiment très affecté par l'alcool qui attaque, on peut dire, le cerveau du bébé en développement du premier jour jusqu'à la fin de la grossesse, hein, et en particulier pour la multiplication des neurones au début de la grossesse, ce qu'on appelle la neurogénèse, elle est particulièrement affectée par l'alcool, et beaucoup d'enfants qui ont un syndrome d'alcoolisation fœtale naissent avec une petite tête, hein, avec une microcéphalie congénitale. Mmh. C'est partie du syndrome et des critères diagnostiques. Alors, on va pas s'étendre plus que ça sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, parce que ça mériterait presque une émission à part entière. Pour revenir sur cette notion de déficience intellectuelle, effectivement, on a abandonné les terminologies de retard ou handicap mental. Déficience intellectuelle, ça regroupe plus de choses. Pourquoi est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre, Vincent Desportes? Oui, c'est une vraie question, parce que c'est pas uniquement une question de sémantique. On parlait beaucoup de retard mental et les Français connaissent pas bien cette notion de déficience intellectuelle, en fait. Mais il s'agit vraiment d'un trouble du développement des compétences intellectuelles, donc des capacités à raisonner, à accéder à l'abstraction, à acquérir et comprendre des informations nouvelles ou complexes, et qui va impacter, bien sûr, l'apprentissage scolaire et surtout avoir des conséquences en termes d'adaptation à l'âge adulte, avec des difficultés d'adaptation dans la vie quotidienne comme vous l'avez déjà rappelé, dépendent beaucoup aussi du degré de handicap. Alors le terme d'handicap mental, il reste utilisé aujourd'hui. Hein. Beaucoup de gens préfèrent maintenant le terme de handicap intellectuel. Alors la situation de handicap, hein, encore faut-il le rappeler, je crois que c'est valable dans toute situation de handicap, c'est qu'elle résulte d'une interaction entre une vulnérabilité d'une personne et l'environnement. Et selon que l'environnement est obstacle ou qu'il est facilitateur, le degré de handicap va bien sûr être modulé grandement, hein, indépendamment encore une fois de tout. Le handicap ne résulte pas que du déficit de la personne. Je crois que c'est vraiment très très important de le rappeler. Oui, vous faites bien. On parlera aujourd'hui plutôt même de troubles du développement intellectuel, même plus que de déficience intellectuelle. Mm-hmm. Parce que déficience, ça voudrait dire qu'on voit que ce qui marche pas, si vous voulez. Alors que troubles du développement, déjà, on resitue la déficience, quand le trouble du développement intellectuel, dans le cadre de quelque chose de développemental. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas écrite d'avance, l'enfant il peut mobiliser des compétences. Et même si son cerveau est bridé par différentes causes dont on va parler, bien sûr, mais il y a une idée de progrès derrière, et cette idée de progrès, elle est bien acquise aujourd'hui dans le champ de l'autisme, par exemple. Mais dans le champ du trouble du développement intellectuel, c'est encore quelque chose qui a du mal à passer, pour des raisons un peu de représentation qu'on a vis-à-vis des personnes handicapées mentales, en fait. Vous faites bien d'évoquer la question de l'autisme, Vincent Desportes, parce que ces troubles du développement intellectuel, donc on l'a déjà entendu un peu et on va en parler bien sûr plus avant, ça regroupe énormément, ça englobe énormément de situations très distinctes, des maladies génétiques, des anomalies chromosomiques, des développements, des troubles dits environnementaux, c'est-à-dire liés à la grossesse, enfin, ça peut même être lié à des infections, on va voir que ça recouvre vraiment beaucoup de réalités différentes, mais c'est aussi vraiment assez bien délimité dans dans l'ordre, par exemple, des troubles psychiques ou psychiatriques. C'est-à-dire que l'autisme, Barbara Bardoni, ne fait pas partie de ce qu'on considère comme étant un trouble du développement intellectuel. Mais disons que l'autisme, comme la déficience intellectuelle, fait partie des maladies du neurodéveloppement. Voilà. Donc, vous avez, par exemple, à peu près 50%, ce que je voulais ajouter un peu à ce qu'a dit Vincent, c'est que dans les patients qui souffrent de maladies du neurodéveloppement, souvent vous avez chez le même patient plusieurs formes d'altération du neurodéveloppement. Donc, 50% des patients qui ont une déficience intellectuelle, si on laisse cette définition, souffrent aussi d'autisme. La plupart ont souffrent aussi d'hyperactivité, qui est toujours un problème du neurodéveloppement. Ils ont peut-être des crises épileptiques, qui est maladie du neurodéveloppement. Souvent, les patients qui souffrent d'autisme, après, peuvent développer aussi des troubles de la schizophrénie. Psychiatrique, donc, oui. C'est-à-dire que souvent, on peut le considérer un continuum d'altération de phénotype. Voilà. Il n'y a jamais un phénotype très bien précis, très défini. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en pense, Vincent. On va lui demander, Vincent Desportes, qu'en pensez-vous? Je suis parfaitement d'accord. Attendez, Barbara Bardoni voulait terminer, excusez-moi. Barbara Bardoni, je vous laisse conclure, pardon. Oui, non, je pensais Excusez-moi de vous que avoir interrompu, pardon. des patients qui ont que de la déficience intellectuelle, donc ce qu'on parlait dans le temps, on disait une déficience intellectuelle non syndromique, je pense que c'est sont des situations très rares. Voilà, c'est ça que je voulais demander à Vincent. Vincent Desportes, justement. Oui, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on ne met plus les gens dans des petites boîtes étanches de diagnostic de leur catégorie. Et on se rend bien compte aujourd'hui que la réalité des gens, c'est que quelqu'un peut avoir un trouble du développement intellectuel et un trouble d'attention et un trouble de coordination motrice. Et que donc, il est important de pouvoir avoir plusieurs diagnostics associés parce que c'est la réalité et que ça nécessite de prendre en compte l'ensemble du fonctionnement des personnes. Mais c'est vrai que ce point de sémantique sur l'autisme d'un côté et la déficience intellectuelle de l'autre, c'est vraiment important. L'autisme, c'est vraiment un trouble de la cognition sociale. C'est-à-dire, c'est les difficultés à décoder les émotions des autres, les intentions d'autrui, à communiquer et à s'ajuster sur le plan relationnel, à comprendre les codes sociaux. Alors que le trouble du développement intellectuel, c'est un problème de raisonnement et d'abstraction, de raisonnement logique. On est sur deux domaines de la cognition de l'être humain qui sont différentes. Et comme le dit très bien Barbara, il y a des personnes qui ont un autisme et qui n'ont pas de déficience intellectuelle, hein, comme le syndrome d'Asperger par exemple, mais il y a aussi ceux qui ont un peu la double composante. Et là, je dirais, pour finir sur ce sujet, que autisme plus déficience intellectuelle, ça s'additionne pas. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est plutôt 1 plus 1 égale 3 ou 4, parce que les troubles associés, ils se multiplient plus qu'ils s'additionnent. Et la vie quotidienne, quand on a les deux à la fois, est extrêmement compliquée et nécessite vraiment des soins et renforcés et des soutiens éducatifs très forts. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc des troubles du développement intellectuel en compagnie de Barbara Bardoni et de Vincent Desportes. Alors ces troubles du développement intellectuel, ils sont aussi divers comme on vient de l'entendre et ils peuvent avoir différents niveaux de sévérité. Comment est-ce qu'on les qualifie? Comment est-ce qu'on les diagnostique? Quelles sont les méthodes que l'on a finalement pour les caractériser, Vincent Desportes? Alors, le diagnostic, comme tout trouble du développement, il y a des outils de diagnostic de ces troubles. Déjà, de pouvoir montrer sur des critères un peu objectivés qu'il y a bien un déficit des compétences intellectuelles et du raisonnement et de l'abstraction. Donc là, ce sont les fameux tests de QI. Il faut faire attention, l'usage de ces tests de QI, on leur a fait dire un peu tout et n'importe quoi quand on les utilise mal, mais s'ils sont bien utilisés, c'est vrai qu'ils permettent quand même d'objectiver une fragilité dans les capacités à raisonner. Ça ne veut pas dire que tout ne marche pas, mais c'est ça qui est principalement atteint. Mais l'autre point important qu'on a déjà évoqué, c'est qu'avoir un QI à 50, ce ne serait pas un problème si ça n'avait pas un impact important dans la vie quotidienne, dans l'intelligence pratique de la personne. Et ça, l'intelligence pratique de la personne, ça s'évalue aussi. Il y a aujourd'hui des outils tout à fait standardisés. Ça fait 25 ans qu'on les utilise au Canada et aux États-Unis, qui s'appellent les outils de compétences adaptatives. Grosso modo, c'est est-ce que la personne sait compter son argent quand elle va à la boulangerie, elle sait se déplacer dans les transports, elle sait prendre soin d'elle. Tous ces points très très concrets qui sont finalement beaucoup plus proches de la vie quotidienne des gens et donc pour aménager les besoins de soutien qui sont les leurs, c'est plus avec ce type d'outil qu'avec un QI qu'on peut les aider en fait. Hein. Et puis la troisième point de diagnostic, c'est que c'est un trouble du développement, c'est-à-dire qu'on écarte. Encore faut-il le dire, des troubles du développement intellectuel, tous les problèmes d'intelligence qui peuvent toucher avec l'âge, comme les démences, les maladies neurodégénératives et comme l'Alzheimer, hein, qui sont hors du champ dont on parle à l'instant. Ça veut dire, Barbara Bardoni, que la classification du DSM-5, hein, qui est ce guide des maladies, des troubles mentaux et psychiatriques, qui classe les troubles du développement cognitif ou du développement intellectuel en bien handicap sévère, profond, lourd, léger. Aujourd'hui, ça n'est plus usité, ou en tout cas, on a d'autres outils qui sont plus précis, comme vient de le dire Vincent Desportes, de classification. Oui, je pense que ça, c'est plus le champ de Vincent que le mien, puisque je ne suis pas médecin. Mais c'est vrai que, quand même, d'utiliser les moyens de dire qu'on parle d'une déficience intellectuelle profonde, moyenne, pas sévère, ça permet quand même déjà de donner une première définition. Après, aujourd'hui, oui, il y a tous les outils dont Vincent parlait. Pour l'analyse, spécifiques cognitives, comportementales et, comme disait aussi, de langage, que c'est aussi très capacité de langage, que c'est aussi très important, et qui vont aussi peut-être permettre d'aider mieux. Mais une classification, c'est quand même nécessaire. Mmh. Quand on caractérise une classe de patients, aussi, je pense, par exemple, on veut trouver une nouvelle cause, par exemple, une cause génétique, je pense que de faire des regroupements et des classifications, c'est important pour essayer de corréler un certain cause génétique, par exemple, à un certain phénotype des patients. On va reparler aussi de la question, évidemment, du diagnostic. Vincent Desportes, sur cette classification, elle peut quand même être utile parce que, de l'ampleur de la déficience ou du déficit intellectuel va aussi résulter la complexité du diagnostic. Bien sûr, et de la prise en charge. Et la prise en charge, évidemment. Vous évoquiez le DSM-5, hein, qui est ce fameux manuel, pour les gens qui ne connaissent pas ça. C'est un manuel de finalement qui classe les maladies ou les troubles mentaux issus de la Société américaine de psychiatrie. Alors parfois, on le rend un petit peu responsable de tous les maux, mais en pratique, cet outil, il est très évolutif. Et dans la DSM-5, ce qui est très intéressant, c'est justement que on ne classe plus, entre guillemets, les degrés de handicap en fonction du QI, mais bien en fonction des compétences adaptatives. Mmh. C'est inscrit dans la classification, c'est-à-dire que pour différencier le problème d'une personne qui a un polyhandicap, c'est-à-dire qui marche pas et qui a un trouble intellectuel sévère, et qui a besoin d'une aide continue, y compris pour son alimentation, son hygiène, etc. C'est bien différent dans la réalité de tous les jours d'une personne qui a un handicap intellectuel léger, qui, elle, aura besoin surtout de coaching, d'aide humaine pour compter sa monnaie, pour se repérer dans les transports, et puis pour avoir un logement inclusif, sachant qu'elle peut pas vivre forcément toute seule. Donc là, on est évidemment, et donc, vous avez tout à fait raison de le signaler, le degré de handicap est très différent, et c'est pour ça que la nébuleuse des troubles du développement intellectuel est extrêmement variable, à la fois au niveau du fonctionnement des personnes, mais aussi des causes. Que peut-on dire, Vincent Desportes, de l'épidémiologie et de la prévalence de ces troubles du développement intellectuel ? Vous l'aviez évoqué en introduction, hein, vous aviez cité 2% de la population française. Alors, selon les études, c'est variable, parce que c'est comme toujours, ça dépend de l'âge où on évalue, ça dépend des outils qu'on utilise. Mais en pratique, l'expertise collective de l'INSERM, qui a été publiée en 2016, a sorti un certain nombre de chiffres. On peut retenir globalement que ça touche 1,5 à 2% des gens. Et ce qui fait qu'en France, pour résumer, à la louche, c'est 1 million de personnes concernées. Hein. 1 million de personnes, c'est beaucoup. Et je dirais, c'est pas 1 million de personnes concernées, celles qui le vivent dans leur chair, oui, mais c'est aussi souvent les parents, un frère ou une sœur, les grands-parents qui sont souvent mis à contribution, et les professionnels de terrain, les professionnels du quotidien qui sont là à accompagner aussi les personnes tous les jours. Et ce qui fait que si on met tous ces gens ensemble qui sont préoccupés chaque jour par le handicap intellectuel, c'est 5 à 6 millions de personnes en France. Donc on approche des 10% finalement de gens pour qui c'est pas des mots, c'est une réalité du quotidien. On parle de la France, cette prévalence, on la retrouve dans, je disais, les pays occidentaux parce que on ne peut pas comparer, on n'a pas d'outil de comparaison parce qu'il y a une prévalence plus faible ou plus forte dans les pays dits du Sud avec tous les guillemets possibles. C'est vrai que dans les facteurs, dans les pays dits du Sud, ou en tout cas ou qui ont des systèmes de santé qui sont moins développés, en particulier pour la prévention des risques pendant les grossesses ou à l'accouchement, là, il y a encore quand même beaucoup de causes qui sont liées à des infections périnatales, qui sont liées à des problèmes pendant l'accouchement ou la grossesse. Et donc, forcément, les causes et la fréquence sont différentes. On a encore une forte composante de causes acquises liées à tous ces phénomènes extérieurs, et pas uniquement les toxiques. Alors que dans les pays dits développés, c'est vrai qu'on a quand même malgré tout depuis 30 ans, grâce au suivi des grossesses, à tout le travail des PMI et des collègues obstétriciens et sages-femmes, diminué quand même grandement le nombre de déficiences intellectuelles et de handicaps qui sont liés à des causes acquises périnatales, même si elles ne sont pas totalement écartées. On estime aujourd'hui à 20% peut-être uniquement dans les pays occidentaux des causes de handicap intellectuel qui sont d'origine extérieure à l'enfant, c'est-à-dire liées à des toxiques, liées à des infections liées à des problèmes de manque d'oxygène à la naissance. Barbara Bardoni, sur ces données, sur ces chiffres, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Je disais également dans l'introduction que cette prévalence de 1,5-2%, en tout cas dans les pays occidentaux, elle est stable depuis un assez grand nombre d'années maintenant. Elle n'évolue pas, elle ne réduit plus, elle n'augmente pas non plus. On peut considérer, oui, ce qu'on peut ajouter par rapport au pays, on disait du Sud, aussi des problèmes de nutrition, donc des problèmes qui sont post-nataux, des problèmes, par exemple, de carence de vitamines, peuvent ajouter des problèmes intellectuels. Le fait que le taux ne change pas dans les pays occidentaux. On peut imaginer aussi que du point de vue génétique, voilà, il y a continuellement de nouvelles mutations et qui donc, même, disons, ça va pas changer le taux. Donc la génétique reste, je pense, encore la cause principale. Il y a le contexte socio-économique joue un rôle assez important sur la prévalence, notamment des déficiences intellectuelles dites légères, avec une prévalence plus faible dans les milieux socio-économiquement favorisés. Vincent Desportes, c'est toujours le cas ? Oui, c'est vrai. On n'observe pas du tout de différence de milieux socio-économiques dans les déficiences sévères et les polyhandicaps. Parce que le facteur extérieur, le trouble neurobiologique est tellement important que les autres facteurs sont gommés. Ça ne veut pas dire que la situation de handicap est gérée de la même manière. Quand on a des difficultés financières et soi-même des difficultés cognitives ou psychiques, bien sûr qu'on prendra soin plus difficilement de son enfant avec un handicap sévère. Mais en termes de facteurs de causalité, ça ne ressort pas. Alors que dans les troubles plus légers, oui, là, il y a une intrication de facteurs cognitifs, génétiques, psychologiques, sociaux, qui sont complètement intriqués. Et d'ailleurs, on ne sait plus bien qui fait quoi, mais peu importe. L'essentiel, c'est de savoir que tous ces facteurs de causalité peuvent être intriqués et pas avoir un regard purement c'est du fait de problèmes sociaux ou des problèmes de stimulation, mais bien voir aussi que parfois, derrière ces problèmes, se cachent des maladies monogéniques. On reviendra probablement sur le syndrome de X fragile qui, chez les filles, peut donner des formes assez légères et qui sont pourtant monogéniques et donc qui peut être trompeuse. Donc ça, c'est un point important. Et sur cette question-là, je ne sais pas si on y reviendra, mais pour ces interactions entre les facteurs liés à l'environnement et à la génétique, je crois qu'on va plonger dans la génétique là ensuite, mais vraiment insister sur le fait qu'on est au balbutiement de l'interaction génétique et environnement. Et il y a quand même des travaux aujourd'hui sur les facteurs du stress prénatal, sur les facteurs du stress dans la petite enfance, et s'ouvre là un champ de l'épigénétique, dont vous avez probablement déjà parlé dans vos émissions, où là, on arrive clairement à montrer que les facteurs de stress viennent modifier l'expression des gènes. On ne parle pas de gènes qui ont des mutations dans leur génome, on parle de gènes dont l'expression est modulée par des facteurs de stress environnementaux. Là-dessus, chez l'animal, il y a des travaux très intéressants. Je cite l'équipe d'Isabelle Mansuy, par exemple, à Zurich, qui montre qu'on peut transmettre de génération en génération des facteurs non génétiques, épigénétiques, qui peuvent être transmis. Et ça, je crois que là, on a quelque part, dans cette épigénétique, la fin de l'espèce de chamaillerie entre les généticiens d'un côté, les psychiatres de l'autre, où on pensait que chacun restait sur ses positions. On est dans une complexité qui est certainement beaucoup plus proche de la réalité et plus intéressante aussi pour appréhender les facteurs de causalité, qui est cette interaction permanente entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. On redira effectivement dans quelques minutes un mot sur ces facteurs génétiques. On voit d'ailleurs les chiffres sont assez la fourchette, je veux dire, est assez grande, puisqu'on parle entre 400 et 1500 gènes qui pourraient être impliqués dans différents troubles du développement intellectuel. On parlera évidemment du X fragile avec vous, Barbara Bardoni, tout à l'heure, puisque c'est votre spécialité. J'aimerais qu'on dise un mot du diagnostic aujourd'hui, parce qu'on entend bien là aussi que le diagnostic en général se produit est posé dans l'enfance et que pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, il y a aussi, on sait, chez les parents, une inquiétude qui peut naître au moment de l'apparition du langage, quand on a encore du mal à savoir si les enfants vont bien, si on s'inquiète d'un petit retard quand sur le suivi du regard ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'on pose un diagnostic en fonction de l'âge? Est-ce que c'est toujours aussi compliqué, Vincent Desportes? Oui, ça reste quelque chose de compliqué. C'est pourtant fréquent. Mais comme toutes les choses fréquentes en médecine, elles ne sont pas forcément les plus simples. Et Pour les troubles du développement intellectuel, il y a peut-être trois situations dans lesquelles on peut être amené à faire un diagnostic. Il y a déjà des enfants dont on sait qu'ils sont quand même plus vulnérables que les autres. Hein, le suivi des enfants qui sont nés très très prématurés, on sait qu'ils ont quand même des risques, plus que d'autres enfants, d'avoir des troubles du neurodéveloppement. Donc ceux-là, ils sont suivis, je dirais, de manière régulière par dans des cohortes. Et donc ceux-là, dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas, on agit. Donc ceux-là, ils sont bien repérés. Il y en a d'autres qui, dès la naissance, montrent des signes qui parfois ne sont pas des signes neurologiques, mais qui peuvent être des malformations, qui peuvent être des problèmes de crise d'épilepsie, des choses comme ça, qui nous mettent la puce à l'oreille en disant « Ah, attention !» Peut-être que l'enfant nous révèle autrement quelque chose qui peut être génétique et qui peut altérer le développement psychomoteur. Et puis la troisième situation qui est la plus fréquente, c'est un développement qui n'a pas de facteur de risque, qui n'a rien demandé à personne, on n'a pas d'antécédent particulier dans la famille, et puis cet enfant, on s'aperçoit au cours de son développement, au cours de sa trajectoire, qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Et là, les parents sont quand même très souvent en première ligne, et je crois que nous, professionnels, et là, on est tous dans le même bateau, hein, que ce soit les professionnels de crèche, de PMI, les médecins traitants et même nous, les neuropédiatres. Trop de parents nous disent « mais on n'a pas pris au sérieux mon inquiétude. On n'a pas écouté, on a douté de ce que je disais, on m'a dit « mais vous vous inquiétez trop, faut pas comparer deux enfants ». Or, les parents qui avaient raison finalement et qu'on a dénigré quelque part, c'est très violent d'une part, parce que ça met en cause leur capacité d'observation de leur propre enfant, et ce qui fait que ça, après, ça discrédite un petit peu les professionnels qui, pourtant, sont bien nécessaires pour les aider à cheminer avec cet enfant différent. Donc ça, c'est vraiment des erreurs. Il vaut mieux inquiéter à tort que de rassurer à tort, quelque part. Et donc, comment s'y retrouver chez un enfant, par exemple, qui ne parle pas? C'est sûr qu'un enfant qui ne parle pas à 2 ans, on vérifie déjà qu'il entend bien. Hein, ça peut être un problème de surdité. On regarde si... sans utiliser de langage, est-ce qu'il communique, hein, parce que là, sinon, un enfant qui ne parle pas, on va se dire, est-ce qu'il n'y a pas des troubles qui pourraient être de l'ordre plutôt du champ de l'autisme? Ou bien il y a des enfants qui n'ont pas d'autisme, qui n'ont pas de surdité, et qui, a priori, vont développer des bonnes compétences intellectuelles, mais dont le langage lui-même pose un problème. Hein. Ils ont ce qu'on appelle un trouble du langage oral, une dysphasie, chez des enfants qui ont des bonnes compétences intellectuelles. Et puis, il y a aussi, parmi eux, des enfants qui vont révéler un trouble du développement intellectuel. Vous voyez que ce signe comme retard de langage, c'est un signe en fait, c'est un symptôme. Il va falloir faire toute une enquête et voir dans quoi s'inscrit ce symptôme. Est-ce qu'il y a d'autres domaines de développement qui sont aussi décalés ou est-ce que c'est un seul domaine parmi d'autres qui est décalé? Et ça, ce n'est pas forcément dès le départ qu'on le sait. C'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, et c'est l'enjeu de toute la stratégie actuelle, hein, de la... troubles du spectre de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement qui est porté quand même par le gouvernement, c'est de se dire, même si on n'a pas de diagnostic tout de suite, on ne laisse pas les gens tout seuls. D'où intervention précoce, on a des plateformes qui se mettent en place sur les territoires, c'est toujours trop long pour les familles, mais ça se met en place pour autoriser des interventions d'un psychomotricien, d'un ergothérapeute, d'un orthophoniste ou d'un psychologue qui jusqu'à présent étaient non référencés par la sécurité sociale, hein, sauf l'orthophonie, et qui aujourd'hui sont accessibles grâce à des forfaits précoces, et ce qui permet aux familles de ne pas se retrouver toutes seules, à être inquiètes sans savoir ce qu'il en est. Ils sont évalués, les enfants, et surtout on les stimule pour voir ce qu'ils deviennent. Et c'est grâce à cette stimulation qu'on va voir un petit peu si c'était uniquement des facteurs d'environnement, et puis qu'on s'est inquiété un peu pour rien, ben tant pis, c'est pas grave, on a fait 6 mois de psychomotricité, et tant mieux. En revanche, on n'aura pas perdu de temps si cet enfant était vraiment en train de nous révéler un trouble du développement. Et ça, c'est capital, c'est vraiment capital. Et écoutez, les parents, hein, parce que justement, vous parliez du dossier, du rapport de l'INSERM de 2016, qui indique que dans 87% des cas, ce sont les parents qui repèrent l'apparition de ces troubles du développement intellectuel. Donc ce sont vraiment les parents qui sont en première ligne. Un mot là-dessus sur le diagnostic, Barbara Bardoni? Oui, je suis d'accord sur le fait que souvent les parents ne sont pas trop écoutés pour le moment. Peut-être que maintenant ils le sont plus, mais ça m'était arrivé de rencontrer, donc moi aussi que je ne suis pas médecin, mais des parents qui ont raconté l'histoire de leur enfant avec vraiment un retard de prise en charge parce qu'ils n'étaient pas... Oui, c'était sous-estimé le premier phénotype des enfants, donc le fait qu'au début, ça pouvait être juste un retard de marche ou de parole. On va continuer à parler de ces troubles du développement intellectuel avec vous. On va reparler du syndrome d'alcoolisation fœtale, mais également des raisons génétiques. On va notamment évoquer avec vous, Barbara Bardoni, vos travaux sur ce qu'on appelle le syndrome du X fragile. Et puis on va évidemment parler des questions liées à la prise en charge dans quelques instants. Rouge invisible, d'Autour de Lucie à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de la déficience intellectuelle ou du trouble du développement intellectuel en compagnie de Barbara Bardoni, qui est directrice de recherche INSERM à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire de Valbonne, et Vincent Desportes, qui est chef du service de neuropédiatrie au CHU de Lyon. On en parlait tout à l'heure au tout début de cette émission, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Vous êtes précisément intéressé à l'impact sur le neurodéveloppement fœtal de ce syndrome d'alcoolisation. Antoine Beauchamp, rebonjour. Alors, nous avons un problème de connexion. Nous avons un problème de connexion avec Antoine Beauchamp. Est-ce qu'Antoine Beauchamp... Non, Antoine Beauchamp n'est pas là. Alors, on va parler, on va attendre de récupérer le reportage d'Antoine Beauchamp et on va parler de vos travaux, si vous le voulez bien, Barbara Bardoni. Vous travaillez, vous, sur ce qu'on appelle le X fragile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est et comment ce problème de développement, ce problème génétique intervient sur le développement intellectuel de l'enfant? Donc, le syndrome de l'X fragile, c'est une forme de déficience intellectuelle. C'est la forme héréditaire la plus fréquente. Donc, on parle de 1 sur 4000 nouveau-nés de sexe masculin, parce que, on l'expliquera du point de vue génétique, c'est le gène qui cause cette déficience intellectuelle est localisé sur le chromosome X. Et donc, ce sont surtout les garçons à être atteints, tandis que, comme disait avant Vincent Desportes, dans les filles, donc dans le phénotype est moins sévère, donc le retard mental est moins sévère, parce qu'ils sont quand même porteuses d'un chromosome avec un gène normal. Mmh. Donc, ces patients souffrent, ils ont une déficience intellectuelle, mais ils associent aussi d'autres formes de maladies neurodéveloppementales, entre 30 et 40% montrent aussi des troubles du spectre de l'autisme. Ils sont hyperactifs, ils ont une déficience d'attention. Ils peuvent avoir des crises épileptiques, ils ont des problèmes de langage. Donc, du point de vue neurologique et psychiatrique, il s'agit d'une maladie très sévère. Et après aussi, ils ont des visages allongés, donc ils peuvent être aussi, disons, diagnostiqués un petit peu par les dysmorphies faciales. Mais bon, ça, c'est plutôt à Vincent Deport de le dire. Et le gène qui cause ces déficiences intellectuelles est connu depuis 30 ans. Ça a été effectivement identifié il y a 30 ans. Et malgré tout ça, malgré tout ce temps, même si on connaît assez bien maintenant la maladie du point de vue moléculaire, il n'y a pas de traitement. Et je pense que... Et on a encore beaucoup à apprendre. En tout cas, disons la cause, c'est vraiment l'absence. Il y a un gène qui ne s'exprime pas, donc il n'y aura pas d'ARN produite, il n'y aura pas de protéines. Et il s'agit d'un gène qui code pour une protéine qui transporte l'ARN. Donc l'ARN, ce gène, c'est le gène FMR1, c'est ça? FMR1, pour, je l'appellerai gène X fragile pour rendre c'est la ça. Chose bien sûr. Plus simple. Mm-hmm. Et donc il produit cette protéine qui sert pour le transport de l'ARN. Qu'est-ce que c'est l'ARN? On entend parler. On en entend pas mal parler ces derniers temps. C'est, disons, le messager entre l'ADN. L'ADN, c'est notre patrimoine génétique et est dans le noyau. Mais les protéines sont synthétisées dans le cytoplasme. Donc les protéines sont ceux qui constituent toutes les cellules qui permettent la structure et le fonctionnement des cellules. Et donc l'ARN permet de transporter l'information génétique au cytoplasme parce qu'elle soit décodée et permet la synthèse des protéines. Et dans le cas de la protéine X fragile, est surtout exprimée dans le cerveau. Et donc, c'est important pour, disons, la différenciation des neurones, donc la formation des axons et des dendrites, et donc aussi des synapses. Donc, c'est très important pour la formation, la structuration des protéines qui constituent les synapses et donc qui permet la communication entre les neurones. Et donc, ça, on comprend, c'est la base de l'intelligence et des capacités cognitives. Et alors, ce qui est intéressant, et vous allez nous en dire un mot dans un instant, c'est que il y a des recherches en ce moment, parce que je crois, et je parle sous votre contrôle, Barbara Bardoni, que le syndrome de l'X fragile compte jusqu'à 10% des diagnostics de déficience du trouble du développement intellectuel. Ça, c'est 10%, probablement, c'est, comme je vous disais, c'est 1 sur 4 000, c'est assez, assez fréquent par rapport à beaucoup d'autres, à beaucoup d'autres cas. Et en tout cas, bon, si on considère en France, on pourrait parler de 10 000 patients. Donc oui, je pense que je ne sais pas vous dire si c'est vraiment le 10%. Mais c'est clairement, il y a beaucoup, beaucoup des études qui sont faites, probablement parce que le gène, c'est connu depuis longtemps, parce que, disons, c'est un cas particulier, il n'y a pas de synthèse de protéines. Donc on a même considéré, il y a 30 ans, je me souviens, le commentaire qui avait été fait au début, ça sera facile de l'étudier. Bon, ça semble pas. Et en tout cas, il y a beaucoup des études en ce moment pour essayer de comprendre, parce que quand on dit transport l'ARN, il lit l'ARN et il permet le codage. Il transporte des milliers, il se lie à des milliers, la protéine X fragile se lie à des milliers d'ARN. Donc, mais quelles sont celles qui sont plus importantes, celles qui vont déterminer la pathologie? Et c'est ça que ce que ça se concentre la plupart des études, que ça veut dire essayer de montrer, disons, les protéines qui sont déréglées, dont l'expression est déréglée dans les neurones des patients ex-fragiles ou des modèles, parce que après les chercheurs travaillent sur des modèles animaux ou cellulaires, voient quelles sont les protéines qui sont, dont l'expression est déréglée et comment normaliser l'expression de ces protéines et voir que si une fois que ça s'est fait par des moyens pharmacologiques ou génétiques, on permet de restaurer une activité normale des neurones et des comportements normaux chez les modèles animaux, soit des souris, soit des rats. Vincent Desportes, un mot sur cette maladie de l'X fragile. Quel est le degré de déficience intellectuelle que cette maladie produit ? Est-ce que aujourd'hui on commence à imaginer des pistes, et Barbara Bardoni nous répondra également sur cette question tout à l'heure, pour pouvoir contrer finalement ces effets liés précisément à la déficience de ce gène FMR1 ? Alors, concernant la fréquence, là, il y avait un point sur les 10%. 10% des causes génétiques sont liées au chromosome X. Mais rien que sur le chromosome X, il y a 1000 gènes et il y a de très nombreux syndromes de déficience intellectuelle qui sont liés au chromosome X. Globalement, ils représentent 10%, c'est-à-dire que c'est 1% des causes génétiques aujourd'hui reconnues. L'X fragile représente 1%, mais ce qui est déjà important. Et en effet, 10 000 personnes en France, ça reste la première cause de troubles du développement intellectuel, avec cette question de l'hérédité qui est évidemment un point très important, puisque à chaque génération, il peut y avoir des soucis du fait que les générations précédentes qui ont la pré-mutation du gène, qui n'ont pas la mutation complète, peuvent avoir aussi d'autres types de troubles neurologiques ou de fertilité. Donc on est sur une maladie qui, en effet, touche toute la famille et ce qui en fait toute sa complexité. Concernant les garçons, il y a une variabilité importante d'impact de cette absence de la protéine FMRP, de l'X fragile, qui peut aller de jeunes qui n'ont pas forcément une déficience intellectuelle. Il y a 5-10% qui n'ont pas de déficience, mais qui vont avoir les autres signes de l'X fragile, c'est-à-dire une grosse anxiété sociale, des troubles de régulation des émotions, des troubles de la concentration et des fonctions exécutives, tout ce qui est de la planification. Ça, on va retrouver ça chez eux aussi, comme d'ailleurs chez les filles, dont plus de la moitié n'ont pas de déficience intellectuelle. Mais on peut avoir aussi, à l'autre extrême, des garçons qui ont un autisme avec une déficience intellectuelle. On estime à 30, 40%, 50% selon certaines séries de jeunes qui ont l'X fragile et qui ont un authentique autisme, au-delà de cette simple anxiété sociale qui parfois les embarrasse. Parce que les jeunes avec l'X fragile qui n'ont pas d'autisme, c'est vrai qu'ont plutôt souvent une appétence sociale. Ils cherchent à communiquer, ils sont joyeux, ils blaguent, ils veulent rendre service. On a une... Je dirais, bien sûr, chacun a sa propre personnalité qui n'est pas réduite par le syndrome, bien sûr, mais il y a quand même une tonalité extrêmement ouverte à la communication, malgré justement toutes ces entraves qu'ils ont en termes d'anxiété et de difficultés à comprendre parfois l'environnement du fait du handicap intellectuel. Barbara Bardoni, un mot peut-être rapidement sur les recherches que vous menez en ce moment, parce qu'il y aurait une possibilité de développer finalement un médicament qui permettrait de rétablir les équilibres et notamment de rétablir une certaine protéine qui est à l'origine justement de ces synapses un peu lâches dans le cerveau et donc tout au long du développement cérébral chez l'enfant. Il y a, comme je disais, il y a notre recherche, il y a aussi beaucoup de recherches qui se font, il y a plusieurs pistes. Ce que nous avons montré récemment, on s'était concentré sur une protéine qui s'appelle phosphodiesterase 2A. Disons, la phosphodiesterase sont des enzymes qui servent sont des enzymes qui servent pour la destruction, disons, pour des structures de molécules qui s'appellent AMP cyclique et GMP cyclique. Et qui sont des messagers à l'intérieur de la cellule, donc qui permet de mettre en contact de différentes protéines et qui servent un petit peu comme des intermédiaires dans l'action des hormones ou des neurotransmetteurs. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on avait vu, c'est que cette protéine, l'expression est très élevée dans le cerveau, en particulier dans le cortex et l'hippocampe des souris qui sont le modèle X fragile. Et en effet, il y a la possibilité de réduire l'activité. Donc, il y a des drogues qui permettent la réduction de l'activité de cette phosphodiesterase 2A. Et ça, ça permet effectivement d'améliorer le comportement des souris qui ont l'X fragile. En même temps, disons, aux États-Unis, il y a eu des recherches conduites en parallèle qui sont arrivées sur une protéine très similaire qui a la même fonction, que c'est toujours la dégradation de la MP cyclique, qui, bon, ça change de nom, c'est la phosphodiesterase 4. Et là, ils sont effectivement allés un petit peu plus rapidement que nous sur ce travail. Et ils sont arrivés aussi à faire, tandis que nous, on s'arrête pour le moment à des tests sur les souris. Là, ils sont arrivés à faire des tests sur les patients. Ils sont en phase 2. Oui. Et justement, ils disent qu'effectivement, ces traitements avec des molécules qui bloquent l'activité de cette phosphodiesterase 4 permet effectivement d'améliorer soit les aspects cognitifs, soit les aspects du langage, et aussi, comme disait effectivement Vincent Deport, permet aussi d'évaluer vraiment les activités, la capacité des patients dans leur activité quotidienne. Donc c'est un grand espoir, et c'est quand même un espoir, disons, c'est aussi une façon de un peu de diriger les recherches dans un certain, oui, dans une direction précise, même s'il y a aussi d'autres cibles qui se sont prises en considération dans d'autres, par d'autres études, et il semble aussi assez raisonnable à penser que dans le futur, si on arrivera à des vrais traitements, probablement il faudra utiliser des cocktails de drogues, peut-être, et les adapter selon l'âge des patients, voilà, et naturellement selon les réelles manifestations. Je veux dire, il y a probablement des différents traitements pour les patients qui montrent aussi de l'autisme et pas seulement quelques troubles de l'anxiété, et ou les patients qui ont des crises épileptiques par rapport à des patients qui ont des manifestations plus légères. Un mot peut-être pour parce que évidemment des traitements, donc on entend, on est en recherche fondamentale, même si sur certaines pathologies extrêmement précises il y a des molécules qui existent, c'est vraiment l'exception encore aujourd'hui. En revanche, Vincent Desportes, dans le rapport que vous évoquiez de l'INSERM de 2016, il est fait mention de la surprescription et de la polymédication, en l'occurrence des psychotropes, sans qu'une évaluation précise des bénéfices risques ait été réalisée. Aujourd'hui, c'est encore le cas, c'est-à-dire que pour les gens qui souffrent de troubles du développement intellectuel, on donne, à défaut d'autre chose, des psychotropes en trop grande quantité. Oui, c'est une question vraiment compliquée. Je pense qu'il faudrait qu'on soit plusieurs à y répondre. Il faudrait qu'on ait des collègues psychiatres, qu'on ait aussi le regard des parents, le regard des éducateurs spécialisés qui sont au quotidien avec les personnes. Je cite l'expertise collective de 2016. Vraiment, oui, tout à fait, j'entends bien, mais justement, mais il y a cette tendance à la surprescription chez l'adulte en particulier, et peut-être sous-prescription chez l'enfant, je ne sais pas. En tout cas, l'enjeu dans ces médicaments, je parle en particulier des neuroleptiques, c'est en effet d'arriver à les mettre à la dose minimum efficace pendant le moins de temps possible. Parce que, voilà, on sait que ce sont des médicaments qui peuvent avoir des effets indésirables à long terme. Et en même temps, il y a des situations où, du fait de débordements anxieux, du fait parfois d'une certaine agressivité malgré eux, d'ailleurs, ils ont plutôt tendance, dans ce cas-là, à se mordiller, à se faire mal à eux-mêmes qu'à autrui. Encore une fois, c'est totalement ils n'ont pas d'intention de nuire, évidemment. On a parfois la nécessité de mettre des médicaments qui apaisent parfois le sommeil aussi, et qui essaient de rendre la vie un peu plus soutenable, mais avec vraiment toujours l'idée de se dire, si on a mis un médicament, il faut en voir l'efficacité, il faut savoir l'arrêter quand c'est nécessaire et ne pas accumuler sur les ordonnances et ajouter les médicaments. Mais ça veut dire que quand on a un comportement défi, un comportement problème... Alors, redites-nous un mot ce qu'on entend par comportement défi. Oui, les comportements défis, ce sont des comportements qui sont, qui font que ça peut être des automutilations, ça peut être de l'agressivité, ça peut être des jets d'objets, ça peut être de la colère, ça peut aller plus loin même avec des violences à la personne. Et dans ce cas-là, il faut, la situation n'est pas tenable, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école ou dans un foyer, et il faut absolument arriver à atténuer la situation. D'une part, déjà, essayer de voir les situations qui sont en train justement d'exploser et de devenir intenables. Et pour ça, il faut avoir une approche qui est écosystémique, c'est-à-dire ne pas dire que c'est uniquement à cause du syndrome d'X fragile ou à cause d'un environnement qui n'est plus ajusté ou parce que le référent est parti, etc. Il y a des facteurs de causalité multiples. Et la première chose étant de vérifier que l'enfant n'a pas mal, parce que la douleur est la première cause de troubles du comportement chez des personnes qui ont un trouble du développement intellectuel ou un autisme. Donc s'assurer qu'ils n'ont pas mal, parfois ça nécessite d'aller très loin dans les explorations avec des examens sous anesthésie, difficiles à mettre en œuvre. Et donc il y a cette somatique, et puis il y a toute la partie vraiment liée aussi à l'environnement. Et donc voilà, c'est une approche qui doit être pluridisciplinaire, concertée, et que voilà, la tendance, et c'est ce qu'on a voulu dire dans l'expertise de l'INSERM, c'est de ne pas mettre le médicament comme une espèce de cautère sur jambe de bois, même si dans les situations d'urgence, il est normal et il est licite de pouvoir prescrire des médicaments, simplement pour protéger l'enfant de lui-même et protéger les autres. À un moment, il y a des prescriptions nécessaires. Il ne s'agit pas de dire que les médicaments sont toujours dangereux, ils sont parfois extrêmement utiles pour des situations de crise, mais en essayant de pouvoir s'en passer le plus possible par ailleurs. Après, il y a d'autres médicaments psychotropes qu'on peut donner aussi chez l'enfant avec un X fragile. Des petites doses, parfois, de méthylphénidate peuvent aider quand même à le stabiliser, à l'aider à se concentrer un peu. Mais encore une fois, ces médicaments, ils sont là que comme des adjuvants d'une approche psychologique, éducative, pédagogique, concertée, réévaluée régulièrement, et qui est quand même le socle des interventions auprès de ces jeunes et de ces adultes. En un mot pour conclure, Vincent Desportes, justement, cette prise en charge pluridisciplinaire aujourd'hui, elle est effective et efficace en France. Aujourd'hui, les réseaux de soutien, de prise en charge vous semblent non seulement suffisants et effectifs ? Non, c'est jamais suffisant. Et puis pour les familles concernées, ça va jamais assez vite. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une... Quand on parle d'innovation aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation de recherche qu'a évoqué Barbara Bardoni. C'est l'espoir pour certains patients, pour certaines maladies. On va y arriver, c'est sûr, il n'y a pas de raison. Pour certaines maladies particulières. Pour certaines maladies particulières. Mais malgré tout, pour une bonne majorité, qui n'ont pas de diagnostic aujourd'hui, mais qui vivent au quotidien cela, l'enjeu de la révolution, c'est la révolution des regards. C'est-à-dire, il faut qu'on change de représentation sur les personnes. Parce que ce qui contribue aussi à la situation de handicap, c'est quand même l'exclusion liée au regard, liée aux représentations qu'on a. Et là, pouvoir penser, une des révolutions qui a été très bien inscrite dans l'expertise de l'INSERM, c'est de dire le concept d'autodétermination. C'est-à-dire que pouvoir prêter à une personne qui a un handicap intellectuel le sentiment de pouvoir agir sur sa propre vie, d'être acteur un minimum de sa propre vie et pas uniquement objet de bons soins, même s'ils sont bien donnés, objet d'accompagnement, mais de pouvoir être sujet réellement. C'est simplement d'appliquer la loi du 11 février 2005 qui inscrit la personne en situation de handicap en tant que citoyen pour sa participation à la société. Alors, c'est facile à dire comme ça à l'antenne. Au quotidien, ça ne se décrète pas, ça se décline petit à petit par des levées d'obstacles, par des modifications législatives et surtout par la mise en œuvre des ressources territoriales, et ça j'y crois beaucoup. On a des feuilles de route qui sont données par voie législative, et ensuite c'est au quotidien que chacun doit retrousser ses manches dans une intelligence collective avec les associations de parents, avec les professionnels, et je trouve, pour connaître de plus en plus ce milieu, qu'il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de professionnels qui veulent bien faire, et qui n'ont pas forcément tous les codes de lecture et qu'il faut former, parce que l'évolution des concepts avance et qu'il faut vraiment qu'ils aient des formations croisées pour prendre mieux soin des personnes qui leur sont confiées. Je crois qu'il y a vraiment un message de changer les regards. Eh ben merci de l'avoir porté ce message, Vincent Desportes, pour conclure cette émission. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ces troubles du développement intellectuel. Merci Barbara Bardoni, merci Vincent Desportes, merci à toute l'équipe évidemment de la méthode scientifique, Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Alessandre Morales, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation. Élise Le à la technique. Demain, nous allons partir loin, très très très loin, dans la galaxie d'à côté, carrément, une petite galaxie que l'on a longtemps cru irrégulière, avant de s'apercevoir qu'il s'agissait d'une galaxie spirale barrée avec une grosse barre et un seul bras spiral. Direction donc le grand nuage de Magellan, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. France Culture. L'esprit d'ouverture.